On s'était dit toujours, on s'était dit jamais, mais je ne sais plus quand c'était. En été ou en hiver, je crois qu'il pleuvait. On avait construit autour un monde parfait, mais ses fondations de pierre n'étaient que sable aux yeux de l'univers. Quand parfois le temps s'efface, l'absolu le dépasse, ne laissant que des traces. Bâti des rêves, imaginé mille projets, tous plus fous et irréels. Qui saurait ce qu'on imaginerait? On se voyait déjà voler plus haut que le ciel. La pesanteur ne m'a jamais permis de monter plus aucune échelle. Quand parfois le temps s'arrête, pourquoi est-ce aussi bref? Craint-il qu'on s'habituerait? Oublie, oublie, pour une fois ton sablier. Aujourd'hui je suis vieux et je pense à mes aïeux. Aurais-je parfois pu faire mieux? Capturer plus d'unité de ce temps si précieux. Les images précises ont fait place à la mélancolie. Et moi qui suis là assis, je ne peux que les regarder une à une partir. Parfois le temps se fige en un instant fragile, rien ne peut le retenir. Oublie, oublie, pour une fois ton sablier. Tu pourras toujours te rattraper.